Que le Seigneur bénisse. Pagavile Turitangaza. Tel que nous l'avons annoncé. Nduku Kabu. Le frère Kabu. Djata Ubiri Juma Iyo. C'est lui qui va prêcher toute la semaine. Nduku yetu anatoka makutano alikasi. C'est notre frère qui vient de l'assemblée de Likasi. Eti mukumufura kumpokelea. Dans la joie de le recevoir. Nakumsalimia mujina bwana Yesu Kristo. Et lui saluer dans le nom de Jésus-Christ. Karibu frère. Amen. Approchez Nduku. Mina salimia kila mmoja wenu mjina bwana wetu Yesu Kristo. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Kazumba. Nduku Kazumba. Pasteur associé au makutano wa Likasi. Pasteur Mufasi de notre assemblée de Likasi. Mon pasteur. Pasteur Wangu. Il vous a tous salué au nom de Jésus-Christ. Anem salimia ninyi wote mjina wa Yesu Kristo. Avant kuya hapa. Avant d'arriver ici, j'étais en train de prêcher à Tchamalalé. Le frère et sœur de l'assemblée de Tchamalalé vous ont salué dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'aller là-bas, il y a d'autres assemblées par lesquelles je suis passé. Recevez également les salutations de vos frères au nom de Jésus-Christ. Je remercie l'ancien. Dieu a confiance. Pour la confiance. Bila ukawia mita tomba tushimame. Je vais vous prier de vous tenir debout. Baba akuna Mungu kama wewe. Akuna Mungu kama wewe. Depuis le verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse. En sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. J'ai dit un mot de prière. Seigneur, Dieu notre Père. Encore une fois ce soir, nous te disons merci du fond de cœur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci encore pour cette opportunité de venir dans ta maison. Nous venons de lire ta parole. Nous sommes incapables d'interpréter ta parole. Nous appelons ton esprit qui a écrit cette parole et lui nous accorde l'interprétation. Bénis chaque frère Bénis chaque sœur qui a abandonné sa maison, ses occupations, pour venir ici. Ils ne sont pas venus voir un homme, mais ils sont venus t'écouter, toi Dieu. Que les malades soient guéris, que les problèmes soient résolus, que les pécheurs soient sauvés. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire une écriture très remarquable. La Bible dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Nous voulons parler sur un petit sujet que nous allons intituler dans sa présence. Ce n'est pas dans la présence d'un homme ou dans la présence d'un prédicateur, mais dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être à ma présence. Tu es malade, tu gardes ta maladie. Tu peux être en présence des frères. Tu es malade, tu gardes ta maladie. Tu peux rencontrer les frères. Tu as un problème, tu gardes ton problème. Mais si jamais tu es entré dans la présence du Seigneur, le problème se change en solution. Si jamais tu entres dans la présence du Seigneur, la maladie se change en guérison. Alléluia! Dans sa présence, il se passe de grandes choses. Dans sa présence, les maladies se changent en guérison. Dans sa présence, les problèmes se changent en solution. Alléluia! Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, prenons d'abord un psaume de David. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes en train de dire. Psaume 84. Zaburi 84. Makumi nane na ine. Oui. Psaume 84. Makumi nane na ine. Verset 11. Mustari yake ya 10. Nievo un jour dans tes parvis. Iko muzuri siku moya mbiwaza yako. Que mille ans ailleurs. Shindia miaka 1000 fazi ingine. Je préférerais me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Mitapenda sana kukala mu nyumba wa milele Mungu. Plutôt que d'habiter sous des temps de méchanceté. Pale pa kukala mahema ya rombaya. Pourquoi? Jua nini? Car l'Éternel wa milele est un soleil. Ni jua et un bouclier. Na ngabu. L'Éternel Guamilele donne la grâce et la, panema, et la gloire. Na utukufu. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Un autre psaume, Zaburi ingine, l'Éternel est terrible Guamilele, dans les assemblées des saints. Mumakutano ya watakatifu. Si vous lisez dans psaume 122, kama nasoma Zaburi 112 ya mstari wa kwanza, ce qui m'impressionne beaucoup, ile nishangaisha kabisa. David était un roi. Daudi alikuwa mfalme. Il pouvait même se réjouir Arweza quand il était sur son trône. Wakati wa shikara pagisi yake ya ufalme. Il pouvait se réjouir quand il donnait des ordres à ses soldats. Anaanza kuamuru askari yake. Mais ici David dit, hapa Daudi asema, je suis dans la joie. Niko katika furaha. Quand on me dit, wakati waninyambia, allons dans la maison de l'Éternel. Nyumba ya milele. Alléluia. Amen. Ça c'est le roi David. Et où ni mfalme Daudi. Je m'imagine un peu. Mina waza. David alikuwa roi. Daudi était un roi. Chéri pas ça kufurahi wa tapa le bonalita ma ordre kubanga. Lorsqu'il donnait le roi à ses soldats. Chéri pas ça kufurahi pas le gars mukiti ya mfalme. Lorsqu'il était sur son trône royal. Mais il n'a pas dit ça. Mais est-ce que c'est mes vies? Il n'a pas dit je suis dans la joie. Niko na fura. Quand je suis sur mon trône. Wakati ba kichango fura. Il n'a pas dit je suis dans la joie. Quand je donne des ordres aux gens. Mina ambia ba tufanye ifanye bego fanye. Mais je suis dans la joie. Mais lakini asa niko mfura. Quand on me dit seulement. Wakati waniambia tu, allons dans la maison de l'Éternel. Twende unyumba ya wamileni. Allons dans la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a la solution à nos problèmes. Dans la présence de Dieu, même si tu es malade, venez dans sa présence. Alléluia. Amen. Vous savez quoi, Satan? Il sait. Anajua. il sait acha kujua la valeur de venir en sa présence. Bei ya kuya mwepo ya Mungu. C'est pourquoi il crée parfois des choses. Joko mana anekara mkuweka mabitu pour empêcher les gens à venir en sa présence. Jubantu bashinde kuya mwepo ya Mungu. Il sait que quand on est dans la présence de Dieu, s'ils arrivent dans la présence de Dieu, ils vont en présence de Dieu. Ils auront des solutions. Il va créer des problèmes pour nous empêcher. Ananza kukuleta mambo yangu juu shinde kwenda. Hata kama uko mgonjwa. Venez en sa présence. Kuya mwepo ya Mungu. Parce que dans sa présence, sababu mwepo ya Mungu, même la maladie se change en magonjwa inaleta inapotaa matunzo. Même les problèmes se changent en solution. Inapata kajibu. Est-ce que vous êtes là? Muko hapa. Même les pécheurs qui viennent en sa présence, ils retrouvent leur salut. Bien-aimés frères et sœurs, puisque le salut n'est pas dans un homme, aina ndani ya mutu le salut n'est pas dans un prédicateur, aina ndani ya mubiri moya. Le salut n'est même pas dans un prophète, aina ta ndani ya nabii moya. Le salut est dans le sauveur, iku napatikane ni et ndani le sauveur ya c'est le Seigneur Jésus Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous les prédicateurs, nous vous présentons les sauveurs. Nous vous prêchons les saluts. Mais Jésus-Christ, lui, il est différent de nous les hommes. Lui ne prêche pas seulement les saluts. Il est le sauveur. Alléluia. Nous les prédicateurs, nous vous présentons la guérison. Même si nous prions pour les gens, mais on ne guérit personne. Mais Jésus-Christ, lui, Christ, il ne présente pas seulement la guérison. Il est le guérisseur. C'est pourquoi, bien aimé, frère et sœur, en ce qui concerne l'esprit, c'est Jésus-Christ seul. Moya. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ini ya injili ya ufalme. Ça, c'est la vérité. Injo ukweli. C'est lui le sauveur. Injo mukombozi. C'est pourquoi Joko mana, quand Paul wakati Paul écrit enandika, au Corinthe, qu'est-ce qu'il dit? Anabambia ni? Pour placer ananza kuweka l'évangile à sa place. Injili pa fashi yayo. 1 Corinthiens 15. Wa Corinto wa kwanza sura ya 15. 1 Corinthiens 15 au verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Quand il parle. 1 Corinthiens 15. Paul dit quoi? Verset 1. Vous savez quoi? Je vous rappelle, frère. C'est un rappel. C'est un rappel. Il dit, je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que j'ai annoncé. Je vous rappelle, frère. Il a barinjé manimitangazia. Que vous avez reçu. Il est mouripoké. Est-ce que l'église, vous êtes là? Kanisa mkupani. Ici, Paul rappelle les Corinthes. Il a kumbusha. Il rappelle les gens de Corinthe. Il a kumbusha. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé. Injili mitangazia. C'est-à-dire les gens de Corinthe, on les a annoncé l'évangile. Wale watangazia injili. Est-ce qu'ici aussi on vous a annoncé l'évangile? Kuna kwa mitangazia injili. Si on vous a annoncé l'évangile, on vous a annoncé le parallèle. Maintenant Paul rappelle, il dit l'évangile que je vous ai annoncé. Injili mitangazia. C'est-à-dire aux gens de Corinthe. C'est watu wa Corinthe. On les a annoncé l'évangile. Wale watangazia injili. Et aujourd'hui aussi. Lakini leo tena. Vous savez, on vous a aussi annoncé l'évangile. Mwe na mwe bali mitangazia. Maintenant, Paul rappelle. Paul a kumbusha. L'évangile que je vous ai annoncé. Injili mitangazia. Que vous avez reçu. Il est mort pour ici, il y a un problème. C'est-à-dire l'évangile. Injili. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole. Aina tukushikia neno. Il ne suffit pas seulement d'apprécier la parole. Kufurahikiwa neno. Il ne suffit pas de louer. Aina tukusifu. Même celui qui a prêché. Aula rubiri. Mais le problème. Le mambo. C'est que la parole de Dieu. Sema neno la Mungu. Doit être reçu. Ina pas la parole de Dieu. Neno la doit être aussi accepté. Ina pas kuitikiwa. Continue, frère, dis quoi? Il faut aussi la recevoir. Dans laquelle je vous avez persévéré. Ah, dans cet évangile, les gens ont persévéré. Oui. Qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 2. Et par laquelle vous avez été sauvés. Par laquelle vous êtes sauvés. C'est-à-dire Dieu. Mungu. Dans sa sagesse. Dans Akimayak, il a jugé bon. Penda, de sauver l'humanité ulimwengu, par la folie de la prédication. Ya c'est pourquoi, frère, manandouku, vous pouvez chanter, munezuku imba, il n'y aura pas la foi. Akuta kwa imani. Vous pouvez crier, munezuku la amika, il n'y aura pas la foi. Akuta kwa imani. Vous pouvez même prier toute la nuit, munezuku omba bushuku bushima, il n'y aura pas la foi. Akuta kwa imani. Pour qu'il y ait la foi, kwa imani, il faut que la parole de Dieu soit prêchée. La Mungu, bapate kuhubiri. Puisque la Bible dit, la, Bible asema, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Oui, frère, continue, mon bien-aimé. Il dit quoi? si vous les retenez tels que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire l'évangile a ses termes. C'est ma économie, c'est oui, frère, continue, il dit quoi? Il dit quoi? Je vous ai enseigné avant tout. C'est-à-dire, quand on dit avant tout, c'est-à-dire avant même de citer Branham, avant de citer Franck, avant de citer Paul, Paulo, avant de citer quelqu'un. Nous devons parler d'abord de Jésus-Christ. Voilà comment il dit avant tout. Avant même de parler de Branham. Avant de parler de Paul. Paulo, avant de parler de Kabou. Avant de parler de n'importe quel prédicateur. Nous devons parler d'abord de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est avant tout. Parce que l'Esprit n'est pas connaître un homme. Tu peux connaître frère Branham. Tu peux connaître frère Banam et être perdu. Tu peux connaître frère Kabou et être perdu. Tu peux connaître frère Franck et être perdu. Mais le salut, c'est connaître Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Est-ce que l'église de Dieu vous êtes Kanisa là? Mungu est-ce que mes bien-aimés vous êtes et là? Tu pale? Maintenant nous continuons avec notre sujet dans sa présence. Dans sa présence, il pardonne même les péchés. Dans sa présence, il guérit même les malades. Dans sa présence, il purifie même les lépreux. Alléluia. Amen. Si tu es malade, il faut aller en sa présence. Tu peux rencontrer un homme et manquer la guérison. Tu peux rencontrer un prédicateur qui qu'il soit. Bien. Mais tu le rencontres. Tu es malade. Tu restes malade. Pas mais si jamais tu rencontres mais Jésus, na Yesu, c'est lui qui rencontre Branham. Il a vu un homme. Anona mutu. C'est lui qui a vu Paul. Ula una Paulo. A vu un homme. Ni mutu ariona. C'est lui qui voit Frank. Ula una Frank. Si vu un homme. Ni ariona c'est lui qui voit Frère Kabou. Ula anu, il voit un homme. Anona mutu. Mais c'est lui qui voit Jésus. Ula anamona Yesu. Il voit Dieu. Anaona Mungu ye si tu es malade, kama tu rencontres Jésus. Unabumbana na Yesu, tu as rencontré ton Seigneur. Unabumbana na ukovu yako. Dans sa présence, bien aimé frères et sœurs, quand David dit, je suis dans la joie, quand on me dit seulement, allons dans la maison de l'Éternel, allons dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, dans sa présence, regardez l'exemple des gens qui sont entrés en sa présence. Je vous donne un exemple des gens qui sont entrés en sa présence. Nous allons voir ceux qui sont entrés en sa présence et ceux qu'ils ont trouvé. Nous sommes avec vous dans Marc, chapitre 1, verset 40. La Bible dit, un lépreux vint en lui. Quelqu'un qui avait la lèpre, un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, lui dit, d'un ton suppliant, dans sa présence, on ne l'exige pas, dans sa présence, on ne l'exige pas, mais on le supplie. Il vint d'un ton suppliant. Il avait la lèpre. Je crois que cet homme avait rencontré même les médecins. Il a rencontré même des prédicateurs. Il a rencontré même des grands hommes. Mais il était toujours lèpre. Il était resté toujours lèpre. Il a rencontré des grands personnalités. Mais il est resté toujours lèpre. Maintenant ici, il a rencontré Jésus. C'était pour lui l'occasion de la guérison. Alors il s'est jeté à genoux. Il lui parla d'un ton suppliant. En disant, si tu veux, tu peux me rendre pire. La Bible dit, Jésus est mis de compassion. Dans sa présence, il a compassion. Dans sa présence, il a pitié. Dans sa présence, quand il te regarde souffrir, il est mis de compassion. S'il y a un vrai compatissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa présence, Cet homme s'est approché de lui. Il était souffrant de la lèpre. Il s'approcha. Il lui parla d'un ton suppliant. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus a mis de compassion. Il a tendit la main. Il le toucha. Pendant que tout le monde refusait de le toucher. Pendant que tout le monde le craignait. À cause de la contamination de la lèpre. Pendant que tout le monde avait peur. Mais dans sa présence, le Seigneur l'a touché. Il dit, je le veux. Sois pire. Quand la parole du Seigneur est cet homme qui avait la lèpre, la parole de Dieu est entrée. Il a commencé à purifier la lèpre. Et il est devenu pur. La lèpre le quitta. Et il fut purifié. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans sa présence. Dans sa présence. Il purifie même la lèpre. Dans sa présence. Il guérit même le malade. Et qu'on a pogné à gonjo. Voyez cet homme. Il avait rencontré beaucoup de gens. Ali Bumbara a battu Bakwa Chana Chana. Même les membres de sa famille. Ata wa memba jamaa yake. Même ses voisins. Ata ba jirani yake. Par quoi la mungopa. Mais quand il est entré dans sa présence. Wakati alingia mopu yake. Dans sa présence. Ndani ya mopu yake. Les choses changent. Bitu binabadilikaka. Dans sa présence. Mopu yake. Même n'importe quelle maladie. Ata magonjo anamna kani. C'est pourquoi quand. Joko amana. Paul écrit aux Hébreux. Wakati Paul anajika kwa Ibrania. Aux Hébreux 11. Wa Ibrania 11. Paul dit, sans la foi, bila iman, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, ule il croit d'abord que Dieu existe. Quand on a cru à quoi si vous venez à Dieu, mais on a cru à quoi que Dieu existe. Si j'en après, c'est maintenant qu'il est éliminé. Ta foi là, Dieu va te rémunérer, parce que les choses de Dieu s'obtient par la foi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Dans sa présence, Amen. Il guérit le malade. Amen. Zachée a trouvé le salut en sa présence. Zachée était un homme de court taille. Quand ma Bible n'a quand la Bible parle de court taille, c'est réellement il était court. Quand la Bible dit qu'il était élancé, c'est un élancé comme Goliath. C'était un monsieur de court taille. Il cherchait à voir qui est Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils veulent voir le prédicateur. Ils veulent voir les erreurs de l'église. Mais Zachée, il cherchait à voir qui est Jésus. Si tu cherches à voir Jésus, il te sera trouvé par toi. C'est-à-dire, si tu cherches à le voir, si tu cherches à voir les erreurs, tu en trouveras beaucoup. Mais si tu veux voir Jésus, tu le verras. Alléluia. Ah. Qui veut voir Jésus? Si tu cherches à le voir, tu le verras. Il se laissera trouver. Zachée, ne cherchez pas à voir une église. Est-ce il ne cherchait pas à voir un prédicateur. Il voulait voir qui était Jésus. Il est venu. Anakuya. Anakuta bantu il a trouvé, il y avait beaucoup de gens. Bantu. Et les gens autour de Jésus. Et celui-ci criait. Il y avait une foule de gens. Mais lui, il était de courte taille. Sa taille ne permettait pas. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ma taille ici? Parmi ces gens ici, je ne saurais pas voir Jésus. Alors, je dois grimper à l'arbre pour que je puisse le voir aussi. Que j'entre aussi dans sa présence. Dans sa présence. Moi, que le Seigneur te voit. Dans sa présence. Moi, que il te connaît bien. Anakujua mzuri. Mon frère, ma soeur. Dans sa présence. Moi, que il connaît même ta famille. Anajua ta jama il connaît yako. Même ton père. Anajua baba yako. Il connaît même le nom de tes cheveux. Abuingi anyole yako. Il te connaît. À la Kujua. Zachée. Zakai. Était silencieux comment? À quoi couler comme une petite taille? Ça va comme foupi. Il dit que je monte mal là. Comme ça, alors, que je puisse le voir aussi. Jésus, il est qui? Frère. Duku. Maintenant remarquez. Ça, c'est mon. Que Zachée montait silencieux. Zakai a panda comme une mouchi. Il y avait des gens. Il y avait des gens de grande taille. Yesu ananza kuya. Jésus est venu. Lorsqu'il avançait, il savait que Jésus était déjà là. Même ce soir, ta foi, Dieu connaît. Et même les requêtes que tu as, il connaît. Maintenant, Zachée était à l'arbre. Et justement, Jésus arrive là-bas. Et les gens marchaient dans le troupement derrière Jésus. Mais Jésus s'arrêta. Il regarde là-bas. Pourquoi il s'est arrêté? Il veut quoi? Il s'est arrêté. Il regarde là-bas. Il dit, Zachée, Zakayo, descend. Chouka. Dans sa présence, Mwepuyaki. Il ne faut pas garder l'orgueil. Aifa kuchunga kiburi. Dans sa présence, ne restez pas en haut. Apana ubaki ayulu. Descends. Chuka. Il te demande ce soir. Anakuambia mangaribi. Dans sa présence, Mwepuyaki. Chuka. Descends. Il a dit à Zachée. Ambia Zakayo. Zachée. Zachée. Descends. Chuka. Il faut que j'entre aujourd'hui. Nafai leo ninge mwepuyumba yako. Nduku. Les gens commençaient à parler. Matuanza kusema sema. Cet homme nous vole. Umutu mwishi. Cet homme voleur. Umutu anetuibaka. Ningivi. Jésus ne regardait pas ça. Yes, so askonzo angara ubiote. Quand le Seigneur te justifie. Kama Bwana anakuhesabia tu haki. Même si les gens te pointent du doigt. Ataka mabatu la kushonta shonta milole. Yeye kama anakuangalia. Il te voit juste. Anakuona wakunyoloka. Aujourd'hui les gens disent. Leo batu nasema. Pardonnez oui. Akurumia ndio. Mais oubliez non. Mais kusabu hapana. Kwa Bwana kalake vile. Il te pardonne. Mungu yeye kama anakurumia. Il te justifie. Anakuhesabia haki. Anabana madhambi yako. Il te jette dans la mer de l'oubli. Tupa katika. Les gens commencent à parler. C'est monsieur un voleur de taxes. Jésus ici. N'a pas tenu compte de ça. Il a dit à Zachée. Aujourd'hui, Léo, le Seigneur est entré dans sa maison. Zachée dans sa présence. Zakayo, mwepu yake, il s'est humilié. Il est descendu. Anashuka. Il a commencé à demander pardon. Il dit, j'ai fait du mal. J'ai fait autrui ceci. J'ai fait ceci. Il commence à se repentir. Et le Seigneur l'a rassuré. Na Bwana mwakishi. Il dit, aujourd'hui, Léo, le salut okofu est entré dans sa maison. Yako. Parce que toi aussi, Shabu, hey, tu es un fils d'Abraham. Na oku mtoto Ibrahim. Aujourd'hui, na pas leo, demain, apara kesho, pas après-demain. Apara kesho aujourd'hui, leo, le salut est entré dans ta maison. Ce jour-là, il est chiku, Zachée, Zakayo, a reçu le salut dans sa présence. Parce qu'il était venu en sa présence. Mungu, il a reçu son na, anapokea okovu yake. Bien aimé, frères et sœurs, mes frères et sœurs, regardez ici. Wangarie uku. J'aimerais vous parler d'un homme, Mwisemizaji wa mutu de notre homme mutu mwingine, qui est entré dans sa présence. Mwepu yake. J'aimerais attirer votre attention dans Marc chapitre 10, Marco Kumi, au verset 46. Cet homme, c'était Bartimée, fils de Timée. Il quoi, Bartimée, mon Timé. Frère, Duk. Ma soeur, Dad. Si vous rencontrez un pauvre, en train de mendier, si tu n'as pas quoi lui donner, ne te moque pas de lui. Apana kumuchekelea. Parce que seulement, Sababu. Pourquoi Juani. Les riches. Et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait ainsi. Celui qui se moque d'un pauvre, il outrage celui qui l'a fait. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, cet homme de Bartimée, un aveugle né, il est né aveugle. Son travail, c'était un mendiant. Peut-être aujourd'hui, toi aussi. Tout le monde sait que tu es pauvre. Que tu n'as pas d'emploi. Que tu n'as rien. Les gens se moquent même de toi. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, mon Timé. Il était un aveugle, mendiant. Il était au bord de la rue. Son travail, c'était de mendier. Les yeux fermés. Et il demandait toujours. Aidez-moi. Saïdia. Il était assis. Saïdia. Comme Kala. Saïdia. Au bord de la rue. Je vois quelqu'un passer là-bas. Il prend l'argent. Il donne à Bartimée. Bartimée prend l'argent. Il ne voit même pas. Il sait même pas combien. Il est resté toujours avec. Un jour, peut-être un pasteur est passé par là. Il est pasteur moi, à parler. Il a sorti à manger. Antoche, il a donné à Bartimée. Mais Bartimée. Bartimée. Il restait toujours avec. Alors, qui a parlé du pauvre. Il ne faut même pas se bien aimé. Wapende. Bartimée était là. Bartimée un jour. Parler, il était de l'église, peut-être passé par là. Il est sorti l'argent. Antoche a fait ça. Il a dit c'était un pauvre. Beba, ça va t'aider. Bartimée a pris. Bartimée la beba. Mais il restait toujours là. Il n'y a pas qui les yeux toujours fermés. Macho, il regardait. Il ne voyait pas. La chance de kona. Tout ce qui passait. Les biotes, il dit Saïdia. C'est aidez-moi. Saïdia. Aidez-moi. Saïdia. Aidez-moi. Bien aimé. Wapendo. Bartimée. Bartimée. Fils de Timée. Mon Bartimée. Là où il était assis. Par la quoi chez Kaya. Un jour. Chez Moya. Il attend les bruits. En achetant tout ma kelele. Bien aimé, frères et sœurs. Wapendo, nous n'adore. Même si tu es dans les difficultés. Attaque mon magumu. Même si tu es dans la souffrance. Attaque mon matéso. Même si tu manques à manger. Attaque mon akosa chakula. Un jour. Chez Moya. Dieu va te visiter. Mungu atautembelea nawe. Et il fermera la bouche de mon cœur. Atafunga kinywa bala na chekelea. Bartimée était assis là-bas. Bartimée alikuwa pale. Il entend les bruits. Anachia makelele. Les gens criaient là-bas. Batu alamika. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Là où Bartimée était assis. Et pale Bartimée kwa sheka. Il demande. Anasema. Il dit c'est qui? Anauliza ni nani ule. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Ni Yesu wa Nazareth. La foi. Imani. Vient de ce qu'on entend. Natuka ubilo ashikia. Na leo ashikia. Vient de la parole. Natuka sauti ya Mungu. C'est maintenant. C'est Jésus de Nazareth. Ni Yesu wa Nazareth. Bartimée Bartimée en achanga d'année. Aujourd'hui, c'est ma Léo. Fini avec mon aveuglement. Aujourd'hui, Léo, ma situation est résolue. Mambo yangu naisha. Il demande, il dit. C'est cet homme qui guérit les malades. Chiru mutu atuza gonjo. C'est cet homme qui sauve les pécheurs. C'est cet homme qui délivre. Chiru mutu la okoa. Aujourd'hui, Léo, mon aveuglement est terminé. Buna malizika. Nduku. Bartimée c'est l'heure. Bartimée ashimama. Il commence à crier. Ananza lamika. Avec la foi. Na nguvu ya imani. Il dit fils de David. Mwana wa Daudi. Fils de David. Mwana wa Daudi. Et pitié de moi. Unisikie buluma. Même toi aussi. Atawe. C'est Jésus là. Ule Yesu. Il est le même hier. Ule mama leo. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Na milele. Tu peux crier aussi avec ta foi. Lamika la imani yako. Et ta foi sera na imani yako atejibu. Bien aimé Bartimée, on va te crier. Bartimée anza lamika. Fils de David. Mwana wa Daudi. Jésus. Yesu. Les gens commençaient à l'interdire. Bato anza tom kataza. Oui, Bartimée qui pauvre. Bartimée avec. Arrête de me crier. Arrête de me déranger. Donc, quand tu pries même chez toi, ton même tes voisins, bah, ça peut paraître un dérangement. Ne mais n'arrête pas. Continue toujours à prier. Bartimée, Bartimée, quand on l'interdisait, dans sa présence, il continuait encore à crier plus fort. Il augmentait encore la voix. Il parlait un peu plus bas. Il dit, fils de David. Maintenant, il a crié. Maintenant, fils de David. Mwana wa Daudi. Jésus. Aie pitié de moi. Il y avait des femmes. Par quoi, il y avait des enfants. Il y avait des garçons. Par quoi, il y avait des filles. Par quoi, mais au milieu de tous ces gens, mais quatre, quatre, au milieu de plusieurs fois, quatre, Bartimée. Sauti ya Bartimée, il m'oufikia Bwana. Est-ce que vous êtes là? Et tu m'gopale? Duku. Ne regardez pas le nombre de gens. Apana kuangaria bwingi ya batu. Ne regardez pas le nombre apana de la apana kuangaria bwingi ya kwaya. C'est la voix. Ni sauti ya imani. Qui va arriver au Seigneur. Joita mfikia Bwana. Même ce soir. Lakini mangari. Si tu as la foi. Amora imani. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ah, mfanikio kufata la imani yako. Amini. Bartimée, fils de Timée, mwana wa Timée, il a crié, ala la mika, fils de David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi, nishike huruma, au milieu de plusieurs, katikati ya masauti mingi, sauti ya Bartimée, ilimufikia Bwana, le Seigneur s'arrête, na Bwana kashimama, même ce soir, ata imangaribi, ta foi peut arrêter, imani yako, na yosu wamisha Yesu pale wiko, même à cet instant, ata hapa sasa, toi qui es malade, uo mwenye mgonjwa, tu es en sa présence, unamuepu yake, est-ce que tu crois que tu es en sa présence, et tunamini nasema kumuepu yake, est-ce que tu crois que Jésus est ici, tunamini nasema Yesu kwa hapa, si tu crois cela, kama unamini avile, et que tu es malade, uko mgonjwa, au nom de Jésus, ujina Yesu Kristu, et ça t'agérison frère, pokea matunzo yako, parle d'ici frère, ah sabo kwa hapa, Bartimée, Bartimée, là où il était, kula kuya. Il a crié. Alalamika. Jésus s'arrêta. Yesu arashimama. Il dit laissez-les venir. Anase omwacha kuya. C'est qu'il interdisait. Na bale boto anzo mkataria. Commencez encore à l'encourager. Ananza mtia tena nguvu. Prends courage. Ah, kama na wina. Il t'appelle. Anakuita sasa. Frère, duku. C'était Bartimée il qui appelait Jésus. Il Bartimée joanza kuita Yesu. Mais cette fois-ci. Mais il est mal. Ce n'est pas Bartimée qui Bartimée appelle encore sasa, Jésus. Anza mita Yesu. C'est Jésus qui appelle Bartimée. Yesu anaita Bartimée. Pour répondre. Juu ya kwa ajibu. Aujourd'hui c'est toi qui prie. Leo ni wewe alalamika. Aujourd'hui c'est toi qui jette. Leo ni wewe afuta kula. Ce n'est pas toi qui vas appeler. C'est le Seigneur qui va t'appeler. Pour te donner la réponse à ton problème. frère. Donc, c'était Bartimée qui criait. Bartimée, mais cette fois-ci, mais à part ça, c'est le Seigneur qui appelle Bartimée. Dieu l'a mouillé ça, ça Bartimée. Dieu a pas tiré Jibou. Il dit laissez-le venir. Ah c'est moi Tchakou. Même les mêmes qui l'interdisaient. Bah tout bas moi dans son catarie ou la lamika. Je crois c'est qui l'ont conduit parce qu'il ne voyait pas. Dieu va nous bamba pour payer capable de Jésus. Dieu est ce qu'on se connaît. L'encourager. Bas à mutier en gouffre ça. Prends courage. Kankamana sasa. Il t'appelle. Anakuita. Maintenant Bartimée. Bartimée. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin. Il a pris même son manteau. Aneba na kochi yake. Il a enlevé. Anekitosha. Il a jeté. Anekitupa. Mes frères. Ndugu yangu. Mes sœurs. Badada yangu. Si Jésus t'appelle. Kama Yesu anakuita. Jette ton adultère. Acha busharati bwako. Acha bulevi bwako. Acha bongo bwako. Bartimée aliacha yote. Même son manteau. Ataki nkochi yake kwa nake anatupa. Il est allé en sa présence. Anaenda mwepu yake. Dans sa présence. Mwepu yake. S'il t'appelle. Kama anakuita. N'hésitez pas. Apana kushita shita. Bartimée avance. Quand il est arrivé à sa présence. Wakati anafika mwepu yake. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur demande à Bartimée. Bwana amuliza Bartimée. Il dit que veux-tu que je te fasse? Unataka nifanye nini juu yako? Le Seigneur dit que veux-tu que je te fasse? Nikufanyie nini? Bartimée regarde. Bartimée anangari. J'étais, on m'a donné à manger. Mpacha chakula. On m'a donné la nourriture. Mpacha byakula. Mais j'étais aveugle. Mais uni pa kipofu. Il dit Seigneur. Bwana. Que je recouvre la vue. Nipate kuona. Le Seigneur le regarde. Bwana mwangalia. Il dit Bartimée. Anse Bartimée. Ta foi t'a sauvé. Imani yako inakokoa. Est-ce que Dieu vous êtes là? Et karisa tukupali. Ta foi t'a sauvé. Imani yako inakokoa. Quand le Seigneur a dit ça. Wakati Bwana anasema vile. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Macho ya Bartimée nafunguka. Il a vu Jésus qui l'attendait. Anamona Yesu ulaanzikia sauti yake. Il a vu les disciples. Anaona mitume. Il a vu les maisons. Anaona manyumba. Il a vu les herbes. Anaona michi. Bartimée le shiku. Il a vu la Ariona utukufu ya Mungu. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa présence. Sababu alifika mwepu yake. Dans sa présence. Dans mwepu yake. Même les aveugles le recouvrent. Dans sa présence. Mwepu yake. Même les malades. Ata wagonjwa. Trouve la guérison. Wanapataka matunzo. Bien aimé, regardez. Wapendo mwangalie. Yeah. Qui était en train de se présenter? Ula nyamo mwepu yake. Il fait l'expérience de la Pentecôte. Alors qu'on a on joue Pentecôte. Il sortait de la Pentecôte. Alors toi Pentecôte. Il y avait un épileptique. Qui a monté en avec Fofa. Qui était assis au temple. Alors qu'on a chez la Huécalu. Pierre. Petu. Savait qu'il n'avait pas l'argent. Alors ça n'a fait. Qu'il n'avait pas de maison. À Nyumba. Qu'il n'avait pas l'or. À Nazabu. Mais il avait Jésus. Mais là qui n'a qu'on a Jésus Christ. Mon frère. Duku. Ma sœur. Dada. Tu peux manquer l'argent. On ne sait ça fait. Tu peux manquer la voiture. On ne sait pas moto. Tu peux manquer même la maison. On ne sait pas ta nyumba. Mais ne manquez pas. Mais laquelle tu connais Yesu maisha yako. Ne manquez jamais Jésus. Pas n'importe Yesu. Frère. Duku. Pierre. Petu. Qui venait de la Pentecôte. On a tout gardé Pentecôte. Un homme qui était baptisé Saint-Esprit. Tu es un baptisé en Rome Tératif. Un homme, un mendiant qui était si au temple. Tu vas quoi l'omba couloque calu. Un estropié. Wakuchukua mikulu kazi yake kwa ngulomba lomba nisaidie batu walimsaidia alibakia paka vile kilema melakini petu ulaanza kuya yashiko na feza yashiko na zaabu yashiko na kitu anamkuta ule mutu ya lomba pali ule mutu ya mlomba unisaidie ku bapendo onudono kesekona. Bana kabulaka ni kilo kunakyo. Petro shiko na feza. Petro shiko na zabu. Mais lakini akwa na Yesu Kristo. Il dit. Anasema. Je n'ai ni or. Shiko na feza. Zabu wala feza ya kupatia. Mais lakini kile niko. Je te le donne. Nakyo na kupatia. Jina Yesu Kristo wa Nazareti. Lève-toi et marche. Mama natembea. On a prononcé le nom de Jésus. Anasema jina Yesu Kristo. Ce nom est entré dans les gens. Jina inende ngia mikulu ya ulo kilema. Inakuta tu mamifupa ta ugunjama. A trouvé des os qui étaient un peu tordus. Le nom de Jésus Christ a commencé à redresser le os. Quelqu'un qui était à par terre, il s'est tenu debout. Il a marché. Juanini. Dans sa présence. Moi, Puyaki. Même les malades. Attends, Gonjo, on a pas ta matou. Est-ce que Dieu vous êtes là? Quand c'est à Mungu Mkopale. Est-ce que mes frères vous êtes là? Bandoukou Mkopale. Venez à sa présence. Moi, Puyaki. Toi qui es malade. Oui, n'hésitez pas. Pas au Shakia. Venez à sa présence. Oui, à moi, Puyaki. Un autre exemple. Fanengi. Nous parlons des exemples de ceux qui sont venus à sa présence. Toi, c'est ma, oui, ma fan, voilà comme moi, Puyaki. Il y avait une femme. Comment on a mis veuve. Mouyane. Qui avait perdu son mari. Qui n'avait qu'un seul fils unique. Alikuwa na mtoto mmoja wa pekee. Cette femme. Le mwanamke. A perdu son mari. Afisha bwana. Elle est restée seulement avec un seul. Anabakia na mtoto mmoja. Un seul enfant. Mtoto mmoja. Frère. Donc. Vous savez ce qui s'est passé? On a dit le petit gars. Et puis, ce seul enfant-là. Le mtoto mmoja. Est décédé. Anafariki. La dame commence à pleurer. Dada ulanza kulia. Ananza kulia. Alianza kulia. Les gens sont venus au dé. Batu anako kirio. Sazoez. Ils sont venus pleurer. Anako kumuririsha. Console la dame. Fariji dada. Maintenant. Saz. Ils ont prêté les jours. Mataisha shiku. Qu'on doit se aller enterrer. Parce qu'on a tout cousu. Comme ici chez nous. Ça veut quoi tout? On apprête aussi les sombé. Toi t'as un sombé. On apprête aussi les Thompson. Toi t'as un Thompson. On apprête beaucoup de choses pour que les gens viennent. Bah tu barudi et bakuri. Cette femme aussi. Nous amouké. Ils ont prêté l'enterrement. Nabo baritari. Que ça sera tel jour. Ils se mettent au chauffage. Ils se sont prêtés. Manitarisha. Ils se sont prêtés. Manitarisha. Pour qu'on puisse aller enterrer. Du tout un truc agique. Maintenant. Ça. Arrivé les jours de l'enterrement. Chikuenya maziko. Ils ont pris les corps. C'était sur les épaules des gens. Et ils avançaient avec ça. Ils avançaient. Il y avait un grand nombre de gens. Il y avait un grand nombre de gens. Il y avait un grand nombre de gens. Un bon nombre de gens qui étaient là. Ils sont venus au dé. Et la dame pleurait. Elle était inconsolable. Parce qu'elle a perdu son mari. Et puis elle est restée avec son fils. Moya. Et c'est seul fils unique là. Et décédé. Elle a fait. Comment faire? Elle s'est dit, Nasima. Quel problème que j'ai? Elle pleurait en route. Ananza kuria. Je suis fait. Batu je suis fait en route. Elle pleurait toujours. Ananza ria. Arrivé à l'entrée de la porte de la ville. Fika tu kumulangu akunja muji. Ils ont vu un homme. Banu na mutu. En train de venir. Yonakuya. Avec ses disciples. Na mtume yake. Ils sont entrés en sa présence. Baringia mwepu yake. Bien aimé. Wapendu. Ce jour-là. Il est chiku. La vie et la mort. Buzima na lufu. Se sont rencontrés. Buribumbana mbarabala. Et vous-même vous savez. Na mwenye mnajua. Quand la mort et la vie se rencontrent. Wakati buzima na lufu wakutana. L'une d'elles doit disparaître. Mumoya na pasha kimbia. Hey, le Seigneur venez. Bwana anza avec kuya. Ses disciples. Na mitume yake. Maintenant les autres viennent avec les serviteurs. Abe ngine waanza kuwa na sanduku. Le Seigneur regarde. Kwa naangalia. La dame qui venait. Ule dada anza kuya. Comment elle pleurait. Na amna anza kuria. Il a eu pitié. Amshikia buruma. Il a eu compassion. Akamshikia buruma. Dans sa présence. Mwepu yake. Il a compassion. Na yeye anashikia huruma. Quand il regarde. Wakati anaangalia anamshikia huruma. Il arrêta les gens qui portaient les sanduku. Aishimamisha bala washa ba sanduku. Arrêtez-vous. Shimama. Je crois que ces gens commençaient à dire ah, maman, toi, c'est moyen, il m'emboca. C'est monsieur, c'est type, il est comment? Finalement, il nous cherche quoi? De toka. On vient de loin. On a pas gouverné. On a croisé les gouverneurs. On a croisé les chefs. Peut-être avec le maire de la ville et tout. Ils ne sont pas inquiétés. C'est pas celui-ci qui vient nous inquiéter. Il cherche quoi? Il arrêta. Kashimamisha. Le cercueil. C'est ma sanduku. Il a parlé. Anasema. Il n'avait pas le temps d'aller de midi à 14 heures. Il a parlé de l'enfant. Il a parlé de même toto. Il dit toi. Oui, m'toto. Lève-toi. La mouka. Frère. Nuku. Là où il n'y avait pas la vie. Pas là, pas quoi, Ouzima. Tout était déjà arrêté. Yote, quoi, Chachimama. Le poumon, cardiaque, tout le monde. Quand il a dit, toi, lève-toi. Anasema, oui, la foi du créateur. Sauti ya mumbaji. Est entré dans le cercueil. Iringia msanduku. Le cœur ne battait plus. Roi kwanza kupika. Et la voix du créateur. Na sauti ya mumbaji. A ramené le cœur à battre. Inarudisha roi anze kupika. La voix du créateur. Sauti ya mumbaji. Damu inaanza kuzunguluka. Au même moment. Bitu mwakati mwa moya. Le mort qui était là. Ule kwa kufwa. Se levé dans le cercueil. Anashimama msanduku. Et il a bougé. Na natenka. Pourquoi? Dieu anini. Ils étaient dans sa présence. Baringia mwepu ya Mungu. Dans sa présence. Mwepu yake. Les choses échangent. Il a pris l'enfant. Il a donné à la mère. Maintenant, ces jours-là, frère. Imaginez-vous. On a laissé les gens qui préparaient à manger. Il y a qui attendaient que quand ils vont rentrer. Ah, c'est pas la ils ont vu un groupe de gens venir. Mais au milieu d'eux. Il y a aussi les morts qu'on avait amenés là-bas. Je crois que ces jours-là, ceux qui préparaient. Ils commençaient à fuir. Ils ont dit, ah, ah. Même les morts aussi viennent. Ah, na moyen mufu ananza rudi. C'était pas vraiment. Aiko bitu. Ces jours-là. Il est chiku. Ils ont commencé à fuir. Bananza kimbi. Na moyen bananza kushika yo bana bwana. Même celui qu'on partait enterrer là. Et au milieu d'eux. Bananza kimbi. C'est pas un. Bantu wa. Et j'en peux fuir. Ils ont dit calmez-vous, revenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Nina pitkan. Asema turanza kwenda kushika. Vous étiez en train de partir enterrer. On a patana na muntu moyo. Nous avons rencontré un homme. Son nom c'est Jésus. Il a arrêté les cercueils. Il a dit toi enfant, lève-toi. Parle-toi na sema. Et quand il a dit sa voix est entrée dans les cercueils. Et le défunt a retrouvé la vie, il a quitté les cercueils. La vie est revenue. Jésus-Christ est formidable. Jésus-Christ nous a changé. Et ce jour-là, la musique d'Idei. Il est Mimbo Kirio. C'est changé en musique. Il n'a pas dit que la nourriture d'Idei. Chakula Kirio. Est devenue la nourriture de la Chakula fête. C'est-à-dire l'Idei. C'est ma Kirio. C'est changé en fête. Il a géouka karam. Moi puis yake. L'Idei c'est changé. Kirio qui n'a pas dit qu'à mon fête. Alléluia. Ah. Dans sa présence. Moi puis yake. La maladie. Ma gonjo. C'est changé en guérison. Il a géouka que la roi matuzo. Dans sa présence. Moi puis yake. Le problème. Mambo. C'est changé en solution. Il a pas dit qu'à que la roi jib. Même c'est toi. Ate mangaribi, kama una imani, kama una mili, ile mama jana, leo, na milele. Ça dépend de ta foi. Ah, ni imani yako si tu crois, kama una mili, ton problème va changer. Mambo yako tabadilika. Si tu crois, kama una mili, ta maladie, magonjwa yako, itageuka matunzo. Ça dépend de ta foi. Ni mambo ni imani yako. La Bible dit. Bien sema. Tout ce que vous demandez en prière. Yote munaomba katika maombi yenu. Croyez. Muamini. Que vous la verrez. Ya kwamba mnesha ipokea. Vous le verrez. Na mteyona kutimilika. L'ami fidèle. Donc moi fiki moi. Ce n'est même pas moi frère. Aina tami. Ce n'est même pas ta femme. Aina ta bibi yako. Ce n'est même pas ton mari. Aina bwanako. C'est le Seigneur. Ni Bwana Yesu Kristo. Angalia. Regarde. Utakuta singine bibi. Pe tu veni femme. Chérie. Bwana. Mimi nakupendaga sana. Je t'aime beaucoup. Kama tu unakufa na mimi nakufa. Ah le jour tu mourras moi aussi je vais mourir en tout cas. C'est faux. Bwana na yeye. Le mari aussi. Non, moi, je t'aime beaucoup. Hein. À ta mort, je ne sais pas ce que je serai. Hein. C'est faux. Un ami fidèle, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui la solution à tous les problèmes. Moi, j'ai toujours dit. Merci, Marc. Seigneur. Bon. Si j'amène mon problème entre les mains des hommes. Il peut se moquer de moi. Il peut échouer. Mais si jamais mon problème entre tes mains. Kama mina perega mambo ya mikono yako. Mina mina sema mambo yako nafika mikono ya mzuri. Pale mkujibu. Duku. La mi fidèle. Mwafiki mwema. Sasa muangalia. Regarde mimi. Watu wanaenda ukilio. Les gens sont allés au deuil. Arrivé. Ça commence à pleurer. Mais jour d'enterrement. Frère. Tu vois pas frère on a rien gagné. Ouais les frères ils pleurent. Ça va beau ça. Comme des patrons. Ça va d'abord. Mais les sœurs. C'est elles qui pleurent. Comme si elles vont même pas manger ces jours-là. En train de pleurer dans la maison, elles superposent même les jambes. Ouais elle arrête d'abord de pleurer. Elle arrête d'abord de pleurer, dit est-ce que je peux trouver un peu quelque chose à manger. Après elle va continuer. Quand on l'amène avec son bébé, il y a même pas un petit homme. Basile, elle va pas manger ce jour-là. Mais les jours d'enterrement, arrivé au cimetière. Les frères sont venus avec des nimbos, des cantiques. Alléluia, après avoir chanté au cimetière, ils ont plié leurs cantiques et ils vont te laisser là-bas. Bibi yako. Ta femme. Ananza kuri yo. Yo. Kisha unasema uende mpuri. Après muda. Ba yo. N'est-ce pas tu avais dit c'est jusqu'à la mort. Sasa yeye frère. Tu vas mourir avec. Mais le frère, lui quand il pleut. Uende tout bien. Ah, vas-y. Pour seulement mtakufa naye. Toi tu avais dit que tu vas mourir avec elle. Sasa bote. Tous. Même la pasteur wak. Même ton pasteur. Atakuwa na Bible. Il viendra avec la Bible. Il va prêcher. Après avoir prêché. Bible, il va plier la Bible et te laisse au cimetière. Mais il y a un homme. Quand vous lui croyez correctement, même dans la tombe, le frère va partir, les sœurs vont partir, mais Jésus sera toujours avec toi. La mie fidèle. C'est Jésus Christ. Dans sa présence. Il pardonne même les péchés. Dans sa présence. Il guérit même le mal. Mon frère, il y a des gens qui parlent du mal. Mon frère. Nous sommes pareils avec ceux qui vont à l'église. Nous faisons le péché comme les autres. Ah, nous sommes différents. Donc, quand tu viens à l'église, même si tu as le péché. Quand tu viens chaque jour, un jour tu vas rencontrer Jésus, il va pardonner tes péchés. Persévère. Venez toujours à sa présence. Oui, il n'y a pas mon piaque. Venez toujours à quoi qu'il a marre. C'est que toi tu échoues. Lui n'échouera pas. Ça c'est l'évangile du royaume. Il n'est pas. Ça c'est la vérité. Il est quoi? Dans sa présence. Il pardonne les péchés. Dans sa présence. Il guérit même les malades. Dans sa présence. Il sauve. Si tu veux les saluts. Venez en sa présence. Si tu veux la guérison. Venez en sa présence. Si tu veux la solution. Venez en sa présence. Il n'y a aucun homme. Qui peut te sauver. Personne. Akuna. Même moi, je ne peux pas te sauver. Atami, je peux te prêcher les salles. Je peux te montrer les salles. Mais je ne peux pas te sauver. Mais chose coco. Un seul. Moya. Et le sauveur. Na mkombozi. C'est le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Christ. Lui, il peut te sauver. Yana zukoko. Bien aimé. Wapendo. Je peux parler de ta maladie. Nezu sema njo magonjo yako. Je peux parler de ta maladie. Nezu yambia magonjo yako. Je peux pas te donner la guérison. Mais Jésus kupatia matunzo. Mais un seul. Mais lakini moya. Donne la guérison. Ula aleta matunda. C'est le Seigneur Jésus. Ponyaji. Bwana Yesu Christ. Voilà pourquoi. Joko amana. Quand Marie et Marthe. Wakati Maria na Marthe. Baripata magumu. Leur frère était décédé. Dugu yabu alikufwa. Il n'avait personne. Akukwe mutu. Tout le monde était venu. Batu bote walikuya. Pendant qu'il était malade. Wakati alikuwa mgonjwa. Mahabari mfikia Yesu. Anashikia. Mais il y a d'autres choses qui arrivent pour la gloire du Seigneur. Jésus Christ. Lui. Yei. Quand il est arrivé au deuil. Wakati afika kirio. De Lazare son ami. Ya Lazare ndukuya afikiaki. Quand Marie le voit. Wakati Marie elmonde. S'approche. Anamkaribia. Il dit Seigneur. C'est Bwana. Si tu étais là. Si tu es comme quoi cap. Mon frère ne serait pas mort. Ndukuyangu ashipashe kufa. Autrement dit. Nisema ungini. Ta présence. Wepu yako. Ta présence. Wepu yako. Ne devait pas amener la mort ici. Haiwezi kuleta lufu hapo. Alléluia. Ah. Il dit, si tu étais là, so, kama rukuya, mon frère ne serait pas du coup, angoche, mais je crois même na mimi, que tout ce que tu peux demander il est yote, mumba, Mungu hapa, il le fera. A te fagne. Ça, le Seigneur lui donne la certitude. Bwana mpatia tikisho. Il dit, ton frère c'est ndugu yako ressuscitera. Atafufuka. Il dit, oh, je sais. C'est minaju. Il ressuscitera. Atafufuka machiko wa mwisho. Le Seigneur lui dit, Bwana mwambia sema, moi, je suis la Marie, minjo ufufuko. Na uzima. C'est lui qui me croit. Ura naamini. Il vivra. Ataishi. Il ne serait mort. Ah, ataka basha kufu. Et le Seigneur. Na Bwana. Quand il est arrivé à la tombe de Lazare. Wakati alifika kaburi ya Lazaro. Les gens pleuraient. Batu baanza kulia. La tombe, c'est fait déjà 4 jours. Kaburi ishafanya siku 4. C'était de décomposition. Kwa shaanza kuoza. Lakini. Rien. Hakuna yoshindikana mbele ya Mungu. Il a dit aux gens. Ambia batu. D'autres l'incrédulité. Toshe kutoka mimi. D'autres les doutes. Toshe shaka. Parler au mort. C'est anasema na mufu. Dans sa présence. Mupiaki. Il a appelé Lazare qui était mort. Alita Lazare wa kwa kufa. Anasema Lazare. Sors. Toka. Bien-aimé. Wapendo. La voix du créateur. Sauti ya mumbaji. Est entré dans la tombe. Iliingia ndani ya kaburi. A appelé Lazare qui était mort. Lazare mwenye kufa kuna kama siku 4. Il est mort 4 jours. Mwenye kufa wali siku 4. Est revenu à la vie. Arudia kuzima. Pourquoi? Jua nini? Ils étaient en sa présence. Sababu kwa mupiaki. Dans sa présence. Mupiaki. Même la mort. Ata lufu. Se change en vie. Mabadilika kwa uzima. Dans sa présence. Mupiaki. Même le péché. Ata zambi. Se change en salut. Inabadilika mwokovu. Si tu viens en sa présence. Kama unakuwa mupiaki. Il pardonne même le péché. Inasamea ata mazambi. Si tu viens en sa présence. Kama unakuwa mupiaki. Il guérit même le malade. Inaponya ata wagonjwa. Bien-aimé, regardez. Je vais terminer avec ça pour qu'on continue de me suivre en train d'introduire. Maintenant, regardez. Cet homme de Jésus, quand Pierre est venu en sa présence, pendant que son frère André, qui était avec Jean-Baptiste, est allé lui parler, il a appelé Pierre. Ils sont venus en sa présence. Dès la première fois que Jésus voit Pierre, il cite son nom. Il cite même le nom de son père. Il dit, tu t'appelles Simon. Ton père s'appelle tu es fils de Jonas. Alléluia. Amen. Maintenant, Sas. Dans sa présence, il discerne même les pensées. Eko natambu ata mawazo. Dans sa présence. Mopi yake. Rien n'est caché à Dieu. Hakuna kile kinafuchamaka mbele ya Mungu. Tu ne peux rien lui cacher. Hawezi kufichia kitu Mungu. Pierre était étonné. Petro ashanga. Pierre. Petro. Ce jour-là, il a vu le Messie. Yeshu kwario na Messie. C'est là. Pale. Que Nathanael. Nathanael. Était là. Ula kwa pale. Qui lui marchait, il avait un témoignage à son cœur. Na kwa na ushuda mndani yake. Bien aimé frères et sœurs. Petro wapendwa ndugu na dada. Napenda mimi mke tukimoe. Tout celui qui rencontre Jésus dans sa présence. Le hôte la mbwana Yesu mwepu yake. Un témoignage à rendre. Atakuwa na ushuda ya kushuhudia. Tu vas pas manquer un témoignage. Hawezi kushinda bila kushuhudia. Tout celui qui rencontre Jésus. Ule hôte la mbwana Yesu. Eko na ushuda. Il te dira. Atakwambia. J'étais ivrogne. Nilikuwa mlevi. Mais maintenant. Hapa sasa. Je suis sauvé. Niko mwenye kukolewa. J'étais prostitué. Nilikuwa ndumba. Mais maintenant. Hapa sasa. Niko mkristo. Il y aura un témoignage. Utakuwa na ushuda. Tout celui qui vient sa présence. Ule hôte kwa mwepi yake. Il avait toujours un témoignage. Alikuwa paka na ushuda mwa kutoa. Nathanael. Qui était son ami. Yalikuwa rafiki yake. Quand Philippe marchait, il savait que j'ai trouvé le Messie. Il avait un témoignage à lui-même. Il dit, mais celui-ci, c'est que Moïse Ule. Et les prophètes na Moïse, ont écrit dans la loi. Frère, et puis comment Philippe l'avait trouvé? Il venait, il parlait, il partait en cours de route. Il trouve l'homme appelé Philippe passé. Jésus lui dit, toi Philippe, viens, Kouya. Suis-moi. Non, une fois. Il allait où? Je ne sais pas. À toujours. Il allait faire quoi? En Tufanine. Je ne sais pas. À toujours. Si c'est toi, comment nous voyons? Tu vas dire, oh, tu ne connais même pas là où je pars. Où tu as ta couleur née, ta couleur Tokyo, on est une tête pareille. Mais Philippe n'était Philippe pas comme ça. À quoi il a arrêté tout ce qu'il faisait. Arrêté, il a suivi Jésus. Maintenant, ça, là où il est arrivé. Kulaifik. Il voyait les écritures accomplies. Il voyait l'accomplissement. Il c'est qu'on dit le Messie. Aujourd'hui, Léo, beaucoup de gens n'ont pas le temps de témoigner Jésus. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas encore rencontré. Tout celui qui rencontre le Jésus, il aura un témoignage à rendre même à ses parents. Il aura un témoignage à rendre même à l'école. Il aura un témoignage à rendre même à l'université. Même au travail, tu rendras témoignage. Philippe avait un témoignage. Il est allé voir son ami Nathanaël. Il a dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Jésus, Nathanaël, c'est mon ami de longue date. Nathanaël, nous avons grandi ensemble. Toi, comment pas nous avons vécu ensemble. Tu n'as pas moi. On vivait ensemble. On vivait ensemble. Tu as fait un ami qui pas moi. Tu as ça. Mais n'a pas qu'un Messie. Christ. Il faut que je lui en parle. Il avait un message urgent. Ariko na ujumbe harak. Bien aimé, frères et sœurs, le message est urgent. Propagez le message aux autres. Les gens n'ont pas le temps de témoigner Jésus aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas encore rencontré. Ils ne sont pas encore entrés en sa présence. Mais regardez, Philippe a rencontré Nathanaël. Je ne sais pas s'il faisait quoi. Je suis en s'il était sous le figuier. Comme quoi, je ne sais pas s'il mangeait. Je suis en arrive là-bas. Mon ami Nathanaël. Mon ami Nathanaël dit, oh, Philippe, mon ami de longue date, il voulait lui rappeler de leur vie. Il voulait lui rappeler de leur vie. Ah, il m'a dit, couche pas moi, non. Quand on était là-bas, quand tu crois pas, on a compris en France, on a compris en France. Philippe en lui, Philippe Nariak, il y avait un message urgent qui voulait délivrer. Il a peint le message urgent. Propagez la parole à vos voisins. Propagez la parole même à vos collègues au service. Même à l'université, même à l'école. Parlez à vos amis. Témoignez-les de Jésus. Je vous dis à qui les choses font. Donc, il dit à Nathanaël. Amen, Nathanaël. Nathanaël. Nous avons trouvé. Tout n'empata. C'est lui. Oulé. De qui? Moïse et les prophètes non, on ont écrit dans la loi Jésus de Nazareth. Yesu Nazareth. Maintenant il dit Ambia. Est-ce qu'il y a Nazareth? Petit sorti quelque chose de bon. Philippe n'a pas voulu Philippe, une discussion. Il n'a pas voulu qu'on puisse commencer à parler. Non, non, non, non. Il dit toi-même Ambia. Viens et vois. Et Nathanaël dit, ça va, mon ami, toi, okay. Qui es mon ami de longue date. Frère, Duku. Ils sont entrés en sa présence. Bah, arrivés en sa présence. Jésus regarde Nathanaël. Il le regarde. Il a discerné. Se penser. Il dit, voici un Israélite. En qui il n'y a point de fraude. Dans sa présence. Il connaît même votre vie. On ne perd rien. Il regarde, il dit, en angaria sema, angaria muisraeli, Daniel qui a mon accosa, Nathanaël, s'étonne, anashanga, il demande, anolis, il dit mais d'où me connais-tu? Ça, on est nuyu à wapi. Il pensait que je lui dis, ah, j'ai eu ça parce qu'on était avec toi à l'école, tu étais un bon citoyen, tu as comme quartier, on était dans ton quartier, tu as comme quartier moya, tu vivais bien avec tout le monde, on a battu botte. Yesu amwambia Nathanaël avant que Philippe t'appelle mbela ta Philippe apate kuita quand tu étais sous le figuier wakati kwa chini amuchi moi mi je te connaissais nilikuwa sha kujua nilikuona Nathanaël est tombé aussi Nathanaël anka naye il a rendu son témoignage shukuru il dit Seigneur naye bwana je crois mimi naamini que tu es le Christ ya kwamba uko Kristo mimi naamini que tu es celui qui devait venir ya kwamba kulo pas kuya Jésus lui a dit Yesu amwambia comme je t'ai dit que je t'ai vu ça veut dire mwambie semi kona tu crois unaamini. Tu verras de plus grandes utaona choses. Bitu bikubwa. Alléluia. Amen. Nathanaël. Dans sa présence. Mopiaki. Il a aussi rendu son témoignage. Naye alishuhudia. Tout toi aussi, si tu le rencontres dans sa présence, si tu entres dans sa présence, tu auras un témoignage à la. Si tu n'as pas de témoignage, c'est parce que tu n'es pas encore entré dans sa présence. C'est parce que tu n'as pas encore entré. Et je vous dis encore, mes frères, que tout celui qui rencontre Jésus, dès ce moment-là, tu deviens responsable d'en parler aussi à quelqu'un d'autre. Dès que tu rencontres Jésus, la mission de l'église, ce n'est pas de construire des hôpitaux. La mission de l'église, ce n'est pas de construire des écoles. Non, la mission de l'église, c'est d'annoncer Jésus au monde. La mission de l'église, c'est de propager la parole, c'est de témoigner Jésus à tout le monde, même dans ton quartier, Quartier même chez les voisins, à ta wajira, même à ton école, à ta kumasomo, même à l'université, à ta université. Parler de Jésus. Sema joa Yesu. Aujourd'hui, Léo, les gens ne rencontrent pas Jésus sur leur chemin. Bato umana Yesu mungayabu. Parce qu'ils n'ont pas le temps de parler Sababu, de Jésus. Abana na wakati ya kusema njuya Yesu. Que le Seigneur Wana, vous bénisse. Amibariki.